aujourd'hui, le lundi 19 août 2019. Hii, ça va chauffer là. Hein? Monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Oui, on était un peu entremêlés par les dates, les jours, les semaines, les années. Que se passe-t-il? Ben, il y a une grosse complexité qui s'installe depuis ma naissance. C'est que ça change à tous les jours. Là, je parle des journées. Mais ça change aussi à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque année. Ah. Je fais scier, c'est pour ça que la musique, heureusement, adoucit les mœurs. fait, est-ce que j'ai le droit, monsieur, de vous faire entendre une version très personnelle de ce groupe très intéressant qui s'appelle Tonic? Et c'est la chanson de mon ami Jimi Hendrix, Hey Joe. Version personnelle, un peu jazz. Ooh, thank you. on a quand même reconnu le Hey Joe. Ben, c'est certain que c'est pas Jimi Hendrix qui l'a popularisé, mais c'est lui qui l'a remis au goût guitaristique de son époque psychédélique. Donc, mais là, c'est à la version jazz. Aimez-vous ça, le jazz? Moi, je vais vous dire franchement, mon point de vue sur cette musique, parce que c'est un style. C'est un style, on se cachera pas. Madame Tremblay, si vous voulez vous cacher, il n'y a aucun problème. Elle aime ça jouer à ça, elle. Oh, elle se cache pas parce qu'on la trouve pas. C'est parce qu'elle a un genre de... comme une choucroute, comme disait Godard, là, sur Marie. Il disait que Brigitte Bardot avait une choucroute. Vous savez, je sais même pas comment t'appelles ça. Ça avait un nom à un moment donné. Dans les années 70, c'était la grosse mode. Puis dans un film de Burt Reynolds, est-ce que vous vous souvenez, c'est un prisonnier, puis il jouait contre les agents de prison. Celui-là, ce film-là. Et donc, il s'en va voir la secrétaire, puis il dit si... il regarde la secrétaire, elle a un chignon, mais là... Un chignon, c'est ça. Mais elle a un chignon assez... extraordinaire. Puis il lui dit, est-ce que vous cultivez des fourmis dans votre chignon? Le gag. Non, mais en anglais, ça devait être autre chose, là. Ça devait être... A fourmi into the hair! Hair! You hair! You! OK! Beaucoup de hair! Aimez-vous ça, mon anglais? Beaucoup de hair! Pourquoi je dis hair? Ben, c'est la comédie musicale. Hair! Rénal va faire de l'air. Je vais aller faire de l'air. Et puis, donc, moi, j'ai quelque chose, un point en commun avec Bellefeuille, M. Bellefeuille, l'humoriste. J'ai toujours cru que c'était De Bellefeuille, mais non, c'est Bellefeuille. Il y a juste une Bellefeuille. Pas une De Bellefeuille, mais une Bellefeuille. C'est pas de sa faute. C'est que, il y a deux caractéristiques chez nous. Très fortes. C'est les lunettes. On n'a pas les mêmes styles de lunettes, mais on a des lunettes. Puis nos cheveux. C'est pour ça le hair. Et son premier spectacle, écoutez, j'ai été... Je vais être franc avec vous. Je suis tout le temps franc. Je suis franc, comme disait. Non, mais je suis franc. As-tu deux francs, mec? Je suis très franc. Je suis franc, mais j'ai pas un franc. J'ai pas une thune. J'ai pas une scène. J'ai pas un garnon, un porno. J'en ai des pornos. Pour tous les goûts. Oui. Hein, là, je viens de susciter l'intérêt de certains. Oh, c'est merveilleux. Mais hey, aujourd'hui, là, en 2019, je me trompais en début d'émission. Là, je savais plus si on était en 2006, 2015, ça m'arrive. Je m'en fais pas avec ça. Pas parce que mes proches meurent de... Comment t'appelles ça? Donc, meurent de... Voyons. D'Alzheimer. Les gens, c'est fait exprès. Non. Je me souvenais plus du mot. Mais là, attendez. Moi, j'ai une émission après tout le monde, c'est-à-dire une émission de fin de soirée, même de nuit, hein, début de nuit, minuit. Là, il est minuit 22. Hein, là, j'ai une journée, moi, avant ça, là. Puis en plus, c'est un dimanche, là. Tu sais, le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves de bonne heure? Pourquoi? Pas pour bruncher! Pour aller prier! Prier pour le pauvre monde qui ne le font pas! Puis là, comme c'est pas juste pour moi, je dois me concentrer davantage. C'est plus de travail. Ça vient me chercher de l'énergie. On parle souvent d'énergie. Vous savez, les gens qui font du yoga, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a deux semaines ou trois semaines. Le yoga, vous savez, il y en a qui se joignent à cette façon de vie, hein, c'est une manière de vivre, le yoga, que moi, malheureusement, je n'ai pas, ou que... En tout cas, je connais beaucoup de personnes qui sont dans cette alternative-là, le yoga. moi, je dis, oh, yoga, yoga, yoga, yoga, yoga, là. On va regarder qu'est-ce qui se passe, là, puis on va réfléchir sur notre propre fonctionnement interne. Connaissez-vous votre fonctionnement interne, vous? Là, je pose la question, puis aimez-vous quand j'attends? Hein? Lorsque je vous permets de réfléchir, moi, malheureusement, comme je le dis souvent, quand je réfléchis, j'ai pas l'air intelligent, puis même quand je réfléchis pas, j'ai pas l'air intelligent. En un mot, j'ai pas l'air intelligent. Donc, si j'ai pas l'air, il doit y avoir quelque chose de difficile. Et puis, je veux pas non plus, là, me pencher sur mon... Parce que si je me penche sur mon sort, je risque de plus me relever. J'ai un problème de lumbago. Vous connaissez ça, lumbago, Madame Turgeon? Puis là, je viens de parler de Madame Turgeon. Personne ne la connaît. Première fois que je nomme ce nom-là à mon émission. Qui est-elle? Non, ce n'est pas une recrue. C'est une dame qui fait du bénévolat. Et puis, elle adore le bénévolat. Pourquoi? Parce que, de un, ça la met dans l'action. Ça la met dans la vie, dans la vibration de l'existence. Et cette dame-là, ben, elle était seule, son chat est mort, son Jacques Brel est mort, son Léo Ferré est mort, son Serge Gainsbourg est mort, son Léo Ferré... Mais elle réécoute ça, puis elle aime ça, mais elle trouvait que ses journées étaient manquées de relief, étaient fades. Mais heureusement qu'elle a eu l'intelligence. Quand je vous dis l'intelligence, là, c'est ça, là, c'est comme une flamme qui t'arrive à l'aura de la tête. Un peu comme un halo. Halo, c'est moi! Ça va bien, vous? Bon, avez-vous réussi votre maths cette année? Ils sont molles! Savez-vous pourquoi ils sont molles? Vous les avez récoltés trop tard, de un, et simplement, vous avez oublié de les irriguer. Irriguer, mais irriguer. Je ne mets pas un Z d'apostrophe, là. C'est irriguer, mais ça l'est lié à l'eau. Irriguer. Vous comprenez rien, hein? C'est tout à fait normal. Puis, je vous en veux pas. Je vous en veux pas, puis je me frappe. Entendez-vous? Comme ça, je me frappe, là. Je me frappe comme certaines personnes, lorsque c'est... Vous savez, Jésus est mort, là, puis à la Pâque, là, il se place des affaires sur des fouets. Puis même, il y a des samedi soir, on fait ça, hein? On se le cache pas, mais on fait ça, hein? On met des petites boules avec des petits piquants, hein? Puis on se flagelle, on aime-tu ça se flageller? Sais-tu pourquoi on aime se flageller? Parce qu'on doit souffrir pour vivre, hein? C'est ce qu'on nous dit ça. Ça, c'est judéo-chrétien, hein? On doit souffrir pour vivre. Oh oui, oui, oui, mais le yoga, celui qui pratique celui-là, là, le yoga, le yoga show, là, lui, il sait. Il faut se centrer. Il faut se reconnaître à travers soi. Il faut trouver son centre. Son épicentre. Hey, épicentre, là! Quand ça fait deux jours que tu t'es pas lavé, parce que... Non, c'est pas parce que tu souffres de malpropreté, mais c'est que ton propriétaire, Monsieur Boivin, Gérald Boivin, moi le dire, Gérald Boivin, 12-12 rue de la Rue, à Saint-Lalocat, à Québec. Et lui, écoute, il est tellement lent, c'est son beau-frère qui est dans ses réparations, là, on l'appelle l'homme à tout faire. Mais il sait rien faire. Il sait rien faire, puis il n'ose pas lui dire. Puis comme il est imbécile, le propriétaire, il s'en rend pas compte qu'il sait rien faire, puis qu'il fait n'importe quoi. Quand il fait n'importe quoi, ben, il doit le refaire encore, puis allemand, on vient de le dire faire, mais je l'entends tellement se pavaner en disant « Oh, il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a pas de problème. » Hey, j'habite au 8e étage, pas d'ascenseur. C'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui l'ai voulu, j'ai dit bloquez-moi ça au 7, ouais, mais il y a d'autres personnes. Non, non, les autres personnes, non, vous prendrez des yogodistes, des gens qui travaillent sur leur personne, parce que moi, je me dis que si je monte au 8, c'est-à-dire 16 paliers de marche, parce qu'il y a un palier, hein, tu sais, une sorte de marche, une autre sorte de marche, là, c'est ça, c'est le premier étage. Sorte de marche, deux sortes de marche. Sorte de marche, il y a 98 marches pour me rendre chez moi. Puis je l'ai fait à genoux. Pas parce que j'aime ça. Parce que je dois souffrir. Puis là, je cherche là, dans toutes les ma journée les choses les plus difficiles qui vont me faire mal, qui vont me faire souffrir. Parce que je suis là-dedans, dans cette... oui, dans cette communion de souffrance. Pas mort pour rien, lui-là, là! Combien de morceaux de clous? Combien de clous, pas des morceaux de clous? Est-ce que c'est des... Monsieur Tremblay, est-ce que c'est des morceaux de clous? Non, c'est des clous toto. Des clous toto. Non, non, c'est la totalité d'un clou. Alors, vous dites des clous toto, des clous toto. Toto, ben toto, toto. Ah, oh, c'est ça, là, c'est... Vous savez, c'est des 6 pouces. 6 pouces dans la main. 6 pouces dans la main et rien dans les doigts. OK. Alors, c'est ça. Lui, il y en a un, deux, il y en a trois. Il y a trois clous. Oui, il y a trois clous. Comment tu dis clous? Non, parce que je me suis trompé. J'ai dit clous, puis là, après ça, trois clous! Ben oui, tu connais pas l'histoire. Je crois bien que tu vas me la raconter. OK. Alors, les deux clous, c'est pour pour entrer dans les paumes de la main. Puis l'autre, c'est juste un gros, plus gros que 6. Moi, je mettrais au moins 12. Un 12 pouces? Ouais, avec de la mayonnaise. Je vais vous prendre un pain fromager. Oui. Et puis la seule chose que vous ne mettez pas dans mon sous-marin, madame, ou dans ma sandwich, ça dépend où je suis, là, sur la planète francophone, ça peut être un sandwich ou un sous-marin. Puis vous savez qu'en Belgique, on appelle ça, mais c'est pas la même chose. Je vais vous raconter l'histoire si vous n'étiez pas à l'écoute depuis des années, des mois, des jours et des jours. Si vous êtes à l'écoute depuis des jours et des jours, ça tombe bien. Je ne suis uniquement en onde qu'une fois par semaine. Vous ne saviez pas? Étiez-vous vraiment des auditeurs fidèles? Fut-elle fidèle, on ne sait rien d'elle, on ne sait rien d'eux. Fut-il amoureux, fut-elle fidèle, on ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'eux. Qu'est-ce que... Ah oui, je racontais l'histoire des sous-marins. Ça fait que moi, là, pour pas tout répéter, je vais prendre ça ici, j'ai dit, je prends tout, sauf des piments forts, puis des olives. J'haïs les olives, mais j'adore la graisse. Regardez-moi ça, hein? J'ai de la graisse au niveau de la bédaine, mais c'est de la fausse graisse, parce que je suis un ancien gros. Puis pour que j'aie plus cette... parce que, ouais, c'est flasque. Très flasque. Quand j'ai maigri, mais ça fait de la peau morte. Puis il faudrait me suctionner le reste du petit gras qui reste, puis m'enlever de la peau. Puis ben, je suis pas un ancien gros de 300 livres, là. Je suis un ancien gros de 190. La dernière fois, c'était ouais, 190. Puis maintenant, je pèse 153. Merci, madame. Merci, mademoiselle. Merci. Et je vise le 60 livres dans un an! 60 livres! Là, parce que là, je me suis dit, ça va être plus difficile, là. C'est les livres les plus complexes. Je vais me faire raser la balle. En un mot, comme on dit là-bas, la boule à zéro. J'aurai la boule à zéro. Puis les deux petites boules à zéro aussi en bas. Tout enlever le poil de mon corps, un après l'autre, par les professionnels du poil. Ensuite de ça, Enlever une couche de saleté, ça arrive, hein, t'sais, on se lave pas toujours à fond, là. Ben, moi, je prends la savonnette, là, mais c'est peut-être mon savon qui... Fait que, avec l'eau de Javel! Pardon, oui, c'est parce que j'ai crampé. Là, avec l'eau de Javel! M'en va tout retirer le reste de la graisse! M'enlever mes lunettes! M'enlever tout mon linge! Puis après, moi, essayer de me peser. Mais là, en me pesant, je serai pas le poids que je fais. Savez-vous pourquoi? J'ai pas mes lunettes. Puis si je mets mes lunettes, je risque d'être plus lourd. Je risque pas, je serai plus lourd. Alors, on sait très bien que la lourdeur physique est aussi importante que la lourdeur intellectuelle. Je vois dans tes yeux des traces de ciel bleu là-bas. Quand tu étais petit, dans ta maison, dans ton pays, embaumait les parfums d'ailleurs. Des orangers en fleurs, tu étais dans l'insouciance. Dans l'insouciance de l'enfance, petit à petit la vie entre dans la danse, et la voilà, et la voilà, la nostalgie. Je sens dans ton âme pas mal de vagues à l'âme. Là-bas, il y a trop longtemps, tu ne peux pas remonter le temps. Même si les jasmins sont en fleurs, comme elles te manquent ces heures. Tu étais dans l'insouciance. Petit à petit, la vie entre dans la danse, et la voilà, et la voilà, la nostalgie. C'était Célia Reggiani. Normalement, je les nomme pas. Mais elle, c'est tout à fait particulier puisque j'ai eu la chance de la rencontrer à Paris, sur la rue des Abbesses. C'est une enfant du chanteur et du comédien que vous connaissez très bien. Cet album-là est sublime puisqu'elle, ça s'appelle son disque. Oh, pas illimité, attendez un peu. Quel est le titre de son album? Je vais vous le dire. C'est « Hey, vraiment j'ai un blanc » et ça me fait totalement illimité, je crois. Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est une femme que j'ai eu un grand plaisir à rencontrer. Et sinon, qu'est-ce que tu veux dire, mon Renard? Oui, c'est ça, les sandwichs! Les sandwichs! Et savez-vous qu'en Belgique, l'ai déjà raconté, mais je me suis dit que tout le monde n'est pas toujours à l'écoute au même moment, au même temps, puis ils peuvent sauter des émissions, puis ils savent pas trop, là, tu sais, ils tâtonnent. Puis je tiens à remercier, je vais descendre d'un cran, je vais redevenir Rénal de Gagné. Je tiens à remercier CKRL pour une chose. C'est qu'elle laisse une place à l'absurde. Elle laisse une place prépondérante au non-sens, car sincèrement, pour moi, tout non-sens a un sens. Voilà, point final. Là, ton point final, comment tu l'installes? Est-ce que c'est comme une grosse pierre qui ne peut plus être déplacée? Ou si c'est comme une petite ouate? Tu connais ça, la ouate? Ben, je connais Caroline Leb. Oh, Caroline Leb, on l'a déjà faite, mais on aime ça. De toutes les manières, c'est la ouate qu'elle préfère. Massive, elle est passive, en négligé de soi, en négligé. T'es négligé, mais c'est en soi. C'est pas si négligé que ça, la soie, là. Le polyester me semble plus négligé. Quoique j'adore le polyester, et il y avait une chanteuse qui s'appelait Pauline Esther, que j'adore encore aujourd'hui, que j'écoute régulièrement dans des moments où j'aime la chanson comme à chaque instant de ma vie, sauf le lundi. Parce que le lundi, c'est comme Clémence, là. Ah non, c'est comme Dominique Michel. Jaillit l'hiver. Mais moi, c'est jaillit les lundis. Mais parce que tu peux pas dire lundi. C'est lundi. Ça veut pas partir. Les lundis veulent pas partir sur le calendrier. Sont là depuis une vitaine paparmane. Depuis combien d'années, monsieur? Ben, d'après moi, ça fait 2019 années qu'ils sont là. Avant ça, il n'y avait pas de lundi. Avant ça, il y avait du temps qui passait. Ça passait où? Pas sur le calendrier. Mais ça passait où? Dans la vie de tous les jours. Oh! Les gens se disaient, oh, c'est le matin, je me réveille, c'est beau à l'extérieur. Oh, ils ouvraient. Mais non, il n'y avait même pas à ouvrir la fenêtre, il n'y avait pas de fenêtre. Au Québec, il n'y avait pas de fenêtre. Il y en avait une petite fenêtre. Une petite. Mais pas si petite que ça, là. Tu sais, la fenêtre, là, un peu le hublot. Non, c'est quoi? C'est un hublot? Un hublot, oui, c'est comme dans un navire, un bateau. Quand t'es dans la cale. Et moi, je cale souvent. Moi là, j'essaye de ne pas caler, mais je me cale. Je m'auto-cale. Je m'auto-cale dans un bocal qui se sent aussi libre que moi de monter ou de descendre dans l'eau. Tu sais, moi, il y a plusieurs styles de nage, là, hein? Il y a l'embrasse-moi dans l'eau de Javel, tu sais, c'est... Non, c'est embrasse-moi dans le chlore, excuse-moi. Ou éclore-toi, je t'embrasse. C'est des nages pas si synchronisés que cela, mais qui font vraiment un beau papillon. Mais le papillon s'envole jamais, hein? Il reste sur l'eau. Mais moi, je préfère la torpille, tu sais, version torpille, en dessous, là, pff, de un, on ne te voit pas. De deux, tu as la paix, tu n'entends rien. De trois, tu retiens ton respire, ça fait du bien. Ça fait du bien de retenir. Ça fait longtemps, savez-vous, là, sincèrement, très sincèrement, ça doit faire au moins, et là, je vous jure, là, comme un imbécile, là, hey, moi, là, hey, ils sont bons, ça. Moi, je viens de voir quelque chose. Oh, oui, c'est ça. Mais tu sais, comme l'idiot qui dit, hey, moi, là, ça me dérange pas, là. Mais ça fait une vingtaine d'années que j'ai pas plongé dans l'eau. Ben là, je prends mon bain, ma douche, là. Mais mon bain, pas tant que ça. J'ai pris peut-être 3 bains en 20 ans. Non, mais je suis très propre de ma personne. Ce que je veux vous dire, c'est que je prends des douches. Fait que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de mégane. Quoi? Fait de baignade. C'est pas fait de la baignade, c'est fait de baignade. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je sais même plus comment ça se dit. Baignade, baignade, baignade, baignade. Je sais pas où ça s'est passé. Je suis tombé sur le rouleau. Mais non, voyons donc. Sauce-toi les petits pieds. Je me suis même pas saucé les petits pieds dans une piscine depuis 20 ans. J'ai pas le temps. Ou ça m'intéresse pas vraiment. Oui, ce qui me plaît. Sincèrement, entre nous, c'est de faire de la radio, lire des bouquets. Tu lis des bouquets? Ouais, moi, je lis des bouquets, surtout les roses. Puis ce qui me plaît dans les roses, c'est les épines. Parce que c'est comme le côté actif, là, hein? C'est comme la... Oui, exactement. Exactement, c'est quand tu écoutes des films d'action, c'est de l'action. Les épines sont l'action du livre. Puis plus il y a d'épines, plus il y a d'épines. Je pensais qu'il y avait de l'écho, moi. C'est peut-être la... Non, c'est pas ça. Plus il y a de l'épine, plus il y a d'intérêt, parce que les gens disent, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il mourir? Est-ce que c'est des pines qui ont été dans du poisson? Hey, là, tout l'intérêt est là. Ah, c'est ça le plaisir de vivre. Bon, là, vous allez vous dire que là-dessus, c'est sûr qu'on sent pas le plaisir de vivre. Peut-être. Peut-être que c'est un début violonneux qui... Ouais. Might be a lover Always gonna stray But my heart Won't have it any other way deserve things long in every day cause my heart won't have it any other way if happiness is ever dense that fate everywhere then why should I deny my chances saying I don't care no no reason don't remind me love ain't bound to stay cause my heart Won't have it any other way. Gardot. Je nomme jamais mes chansons, comme je vous dis depuis le début, mais Mélodie Gardot, c'est... J'ai presque prolongé mes vacances. J'ai presque voulu prolonger mes vacances de 4 jours pour aller la voir à l'Olympia de Paris pendant que j'y étais. Mais je m'en allais avant même qu'elle se produise là-bas. Mais j'ai quand même vu Vanessa Paradis et bien d'autres. Diana Krall. Et voilà. Là, ça me fait plaisir. Parce que nous sommes devant une invitée qui travaille sur l'improvisation. Puis la plus belle jouissance, là, je vous dis, on va jouir pendant une semaine. Pour ne pas dire deux. Puisque aujourd'hui, c'est la première partie et la semaine prochaine, c'est la deuxième. Quel fantasme extraordinaire. Après ça, on peut se permettre tout. Durant la discussion de mon amie Sophie Maes, parce que c'est elle que je rencontre, qui est une humoriste, qui écrit des textes, qui écrit ses textes, qui est aussi professeur d'impro, qui est dans des lignes d'impro. Elle est tout à fait branchée sur l'humour. Et je l'ai rencontrée il y a 7 ans, la dernière fois que nous nous sommes regardés et parlés. Mais cette année, mais l'année dernière, ça, tout ça vraiment collé. Je vous dis, là, c'était incroyable. J'ai passé un beau moment avec elle. On s'est étalé comme sur du bon pain. On était deux caviars à la recherche de champagne. Avez-vous trouvé... Hey, on a-tu trouvé le champagne? Sophie, on sait pas, hein? On fouille encore. On fouille. Alors, je vais faire l'introduction, là, comme d'hab. Et puis... toute la trame sonore, je vous le dis pas. Écoutez. Alors, aujourd'hui, le lundi... Hey, c'est mystérieux, cette émission-là, ce soir! La semaine prochaine, c'est encore plus bizarre. Comment ça, la semaine prochaine? Parce qu'elle revient. Oh! Que du plaisir! Que de la vérité, que de la confidence et que du bonheur. Aujourd'hui, le lundi 19 août 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'humoriste tout azimut, Sophie Maes. Qui est Sophie Maes? Eh bien, c'est une drôle de fille, comme moi. Je me considère comme un drôle de garçon. Donc, durant 2 semaines, je vous présente... Deux hurlus berlus. You ain't nothing but a hound dog. You cry all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Nothing but a hound. Sophie. Hey! Comment ça va? As-tu reçu mon message? Oui, je viens de le recevoir. Parce que là, je me suis dit, peut-être qu'elle a changé de numéro de téléphone. Non, non, tout va bien. Hein, ça fait 4 ans que tu as le même numéro. T'as vu? Ben, je suis même depuis 25 ans. Non, non, non, ben, pas avec un cellulaire. Tu... Ben... Si, si, si. J'ai 25 ans, j'ai le même numéro. Orange, ouais. Mais, attends, tu veux dire que tu avais un cellulaire il y a 25 ans? Ben oui, j'ai eu parmi... Eh, ben oui, 80 ans, 95. Le premier que j'ai eu, c'était 95. C'est mignon, ça? C'est beau, hein? Hey, il est très sauvage, fais attention. Très sauvage, oui. Moi, j'arrive à... Tu sais, j'arrive à les dresser. Ah oui, ah... Toutes les bêtes sauvages. J'en doute pas, oui, j'en doute pas, oui. Hey, on s'est rencontrés il y a combien de temps? Ça fait longtemps, quand même. 7 ans? Oui, ça je crois que tu avais déjà commencé à enclencher ton... Ouais. Le milieu artistique, humoristique, avec le bout ici. Oui, exactement. C'était, mais est-ce qu'on peut dire que c'était tes débuts? Ah ben, complètement. Ah oui, oui, c'était bébé artiste. Ah oui, complètement, l'école du One Man Show, maintenant exactement. On en parle tout le temps, il y a eu plein d'artistes qui sont sortis de cette école. Et j'ai des très belles années là-bas. Donc j'ai commencé par l'interprétation, l'écriture, l'improvisation. Donc du coup après j'ai fait mon chemin, quoi. Mon One Woman Show, ma troupe d'impro que j'ai créée. Elle n'était pas créée ma troupe d'impro quand on s'est vu encore. Non. Il me semble. Non, il y avait juste ton One Woman Show que c'est tu. C'est fou. Que tu avais monté et que ouais. Tu. Il s'en est passé. T'avais bon succès. Il s'en est passé des choses. Pourquoi qu'on passe 7 ans sans se revoir? Ben écoute, c'est pour ça qu'on est ici. Alors, comment ça va sinon? Ben ça va très très bien. Très très très bien. Vraiment en pleine pêche, des nouveaux projets pour la rentrée, une saison qui s'est super bien terminée. Donc là, j'ai joué au théâtre Le Lieu To Mon One, la presque grande Sophie. Oui. Toujours le même qu'il y a 7 ans? Non, okay. Il a beaucoup évolué. Okay. Ouais. As-tu gardé des noyaux? Oui, j'ai gardé par exemple le fait de l'autodérision, tu sais, de moi, okay. de mon apparence, de tout ça. Parce que je suis très très petite, hein, comme je suis une petite nana. Donc du coup, voilà, je commence pour mettre un peu le public à l'aise. Je commence avec vraiment l'autodérision. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai un sketch qui parle de mon père, qui est parti, je ne sais pas si au Canada il y a vraiment Québec. De l'emprise, au Québec, s'il y a de l'emprise sur l'esprit country un peu western. Oui, ben, oui. Avec Saint-Tite-des-Caps, okay, qui est un endroit au Québec, ouais. Ils font revivre les cowboys avec les chapeaux, ouais. Il y a des ranchs. Il y a de la musique country, parce qu'il y a une différence au Québec entre le country et le western. D'accord. Ah oui, OK. Ouais. Le country, on peut même mettre Eddie Mitchell un peu dans le country. C'est vrai? Non, mais vrai. Nous, c'est plutôt un rocker. Mais dans le sens, oui. Les premiers albums, parce mais que vrai, tout à les fait. Chaussettes noires, c'est vrai. Rock, mais après ça, ses débuts. C'est vrai. Mais même, il jouait avec le chapeau. Ouais, puis même ouais, fils, ouais, ouais, puis, ouais, puis, ouais. Il revient la même fille. Ouais, ouais, ouais. Mais nous, il y avait un chanteur, Willie Lamotte, qui avait une émission qui s'appelait Le Ranch à Willie. D'accord. Et à chaque samedi, on rentrait dans son ranch puis faisait chanter des chanteurs western. D'accord, et cool. Et aujourd'hui, le western est devenu kitsch. Ouais, mais il y a eu un revival en Europe, hein? Un truc de fou. Ah oui, oui. Oui, mais en même temps, ça reste kitsch. Ça reste vintage, ça reste okay. Kitsch. Ouais. Et donc, vers 70 ans, mon père, il s'est pris pour une... Allez, un petit peu avant. Il s'est pris, mais pour une folie de western. De tout l'esprit country, la danse country. Le break-a-break-a dance, là. Mais là, oui, ah, okay, mais... Ouais, je connais ça. Si tu parles avec lui, il va te dire, mais non, Reynald, ne réduis pas okay, ça. Ah, juste oui, à ça. Okay. Il y a tellement de variantes. De variantes. Donc, du coup, j'ai un sketch où j'ai parlé de ça. Arrive-tu avec ton chapeau? Mais bien sûr, okay, ben oui, bien oui. Sûr que je fais une chorégraphie en imitant mon père. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, dans cette période-là, il était devenu un peu, comment dire, un peu... quand il fait un truc qu'il fait à fond, ça devient un peu trop... C'est une folie. Ça, exactement. Ça devient donc, plus du très coup, sain, c'est ça? Tout, il pense qu'à ça. C'est, voilà, c'est tout, il ramène ça à ça. Mais là, c'est sa retraite peut-être là, qui fait... Oui. Donc là, il en est un peu ras-le-bol, il est passé à d'autres choses. Okay. Là, il joue au casino sur Internet. Oh, ça coûte cher, ça. Oui, ça va, il reste raisonnable. Okay. Ah oui, alors... Et donc, sa période western country de danse... du coup, il arrivait, mais c'était arrivé à n'importe quel moment familial, tu sais. Ça pouvait être un mariage, ça pouvait être un anniversaire. un enterrement, un truc bien funky, tu vois. Ouais, un enterrement, c'est bien funky. Voilà, ça fait bien. Ouais. Et ben, il y a un moment où il me prenait toujours à part, il me fait viens voir. J'ai te montré une petite Corée country que j'ai trouvée moi-même sur Internet, alors, je la connais par cœur. Et il était parti dans un truc, je me dis, papa, arrête, c'est pas le moment, arrête avec ta. Et donc, on a l'impression que tout tournait autour du country. Donc, j'ai un sketch là-dessus. Qu'est-ce que j'ai de nouveau On peut dire que tu ressembles un peu à ton père, le côté déglingué. Je ressemble plus à ma mère physiquement. Ah oui? Okay. Physiquement, un peu moral, dans le côté un peu, ouais, il y a besoin de carré quand même un peu. Okay. Mais j'adore, ce côté-là, papa déglingué. Ah ouais. Ouais. Et j'ai un autre sketch, sur les 20 années que j'ai passé à Disney, que je passe encore à Disney, parce que je suis cast member, moi. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est-à-dire, je suis un employé Disney, je suis responsable d'équipe dans les boutiques. Et donc, du coup, je parle de ces 20 années-là, et puis, donc j'ai le rôle d'une... C'est très payant. C'est pas pire que d'autres jobs, okay. Franchement. Est-ce que c'est à temps complet ou... Oui, c'est à temps complet, oui, c'est pour ça, moi j'ai vraiment deux vies, j'ai deux vies. J'ai deux vies. Et donc du coup, j'ai un sketch où je joue une DRH de Disney, en fait, qui essaye de remotiver, mais de remettre tout le monde carré. Les Cendrillon, les Blanche-Neige, les anciens, là, comme ça. En disant, mais bougez votre cul, il y a les Star Wars qui arrivent, il y a les Marvels, il y a les Avengers. Alors bougez votre cul, sinon les gamins, ils vont vous oublier, quoi. Donc du coup, il y a reconversion pour chacun. Là, par exemple, Cendrillon, je te vois bien, c'est sarenza.com. Toi, t'es, hein, les pompes, ça te connaît bien. Donc du coup, voilà, plein de choses comme ça. Est-ce qu'ils changent souvent de mascotte? C'est-à-dire? Cendrillon, c'est pas une mascotte, mais est-ce que la fille qui représente Cendrillon est changée régulièrement? Ah ben, après, je peux pas rentrer dans le secret, tu sais. Ah, OK, il y a un secret. Mais il y a quand même des artistes, oui, c'est des artistes. Okay. C'est ce qu'on appelle des face characters là-bas, c'est-à-dire des personnages, mais okay. Qui n'ont pas besoin de masque, qui sont vraiment avec leur vrai visage. Okay. Donc, il y a des castings régulièrement, mais ce sont des artistes à part entière. Ils interprètent vraiment, donc du coup, pendant les parades, tout ça. Voilà ce qui a changé, il y a plein de choses qui ont changé. Ma troupe d'improvisation, du coup, après 7 ans, après l'avoir créé, après 7 ans à avoir joué avec eux, ben, on s'est séparés. Ben, je suis partie. C'est bizarre de dire que je suis partie d'un truc qu'a créé, tu vois. Ah, c'est... t'es le leader, t'es partie, voilà. La troupe existait encore, mais sans toi. Ben oui, voilà, ben, sans moi, ouais, tout à fait. Et donc, pourquoi du coup, j'ai créé... Mais c'est compliqué, il y a des égos de comédiens, il y a des parcours qui sont différents, voilà, c'est compliqué. Il y a un moment, c'est déjà beau ce qu'on a fait en 7 ans. Hein. Donc du coup, là, je suis en train de créer ma nouvelle troupe d'impro. Tu vas rentrer en conflit, peut-être vous allez faire des... Ben non, il n'y a pas de conflit. Non, mais allez-vous faire des matchs ensemble? Il y a des matchs, il y a de la place pour tout le monde, non. Je sais que l'impro... Mais je trouve ça étrange. Mais pourquoi étrange? Parce que tu formes un groupe. Okay? Qui, eux, vont continuer à jouer et tu formes un autre groupe et quelquefois, vous allez jouer ensemble. Ben ouais, mais Rénal, il n'y a personne qui est indispensable. Ah non, mais je trouve ça merveilleux. Ce que tu as créé, vit sans toi. Ah oui. Voilà, tu vois, donc j'avoue que ça n'a pas été facile. Hein, c'est pas... Mais voilà, on part vers des objectifs différents. Et puis l'impro, moi, je suis shootée depuis 7 ans, l'impro. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai besoin de ça. De ce moment que tu rentres sur scène, tu dis, on ne sait pas ce qu'on va jouer. Merveilleux. On ne sait pas. En fais-tu toi-même? Pardon, oui. C'est vrai? Mon émission, c'est improvisé. Les 50 premières minutes de mon émission radiophonique, c'est improvisé. D'accord. Non, mais je ne travaille pas avec d'autres, je travaille avec moi. D'accord, donc, OK. Donc, les autres, ça peut être une mouche qui arrive au mois de février. À un moment donné, j'ai vu une mouche apparaître et je n'avais rien pris de spécial pour voir arriver des mouches. Et j'ai pu improviser 15 minutes sur la mouche qui était perdue en hiver au Québec. Donc, oui, je peux improviser sur n'importe quoi. Une feuille qui tombe, je suis en train d'écrire ou j'ai une lecture à faire et la feuille tombe. On va improviser. D'accord. OK, ben c'est cool, ça. Et là, quand on improvise, on perd toute notion, moi, dans mon cas. Ouais. Donc, je peux, si je vois que j'ai dérapé pendant 25 minutes et que les 25 minutes ont été utilisées pour faire jouer de la musique, ben là, je vais vite couper puis je vais présenter de la musique. Donc, ça peut partir dans plein de choses. Bien sûr. Mais c'est pour ça que l'improvisation, c'est limité. C'est-à-dire, tu peux faire, il y a un thème, mais il y a un thème limité. Tu as 10 minutes pour faire ton impro. Ouais. Mais tandis que moi, j'ai 120 minutes. Je ne ferai pas d'improvisation en 120 minutes. Ouais. Ça dépend comment tu fais. Nous, moi, je suis habituée au cabaret d'impro. like yesterday. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low. And the secrets that we shared. The mountains that we moved. Nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about paying or even how much I owed. Against the wind. Against the wind. Qu'il y a le match d'impro, maintenant il y a le catch d'impro. Je sais pas si tu as eu l'occasion de rencontrer des artistes, mais l'impro est en train de bouger vraiment en France. Tu as tout type de spectacle, tu as même des spectacles de doublage improvisé. Ah, ça c'est bien. Ça c'est génial. Tu as des spectacles chantés, improvisés, des pièces totalement improvisées. Tu commences en disant on est qui, on commence où, public. Voilà, vous voulez qu'on arrive où, c'est quoi la fin de l'histoire. Ok. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé, qui sont en train de bouger. Donc moi, j'en suis restée enfin, je suis encore dans le cabaret d'impro. Donc là, on avait vraiment le thème, l'univers de la télé. Donc moi, je vais créer un autre univers, quoi, tu vois. Peut-être plus le domaine de l'univers du travail, qui est complètement, qui nous touche tous, quoi. L'univers du travail, dans n'importe quel domaine. Enfin voilà, je suis en pleine création. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les projets de la rentrée? Il y a une pièce avec ma meilleure amie, qui est comédienne aussi. Donc il y a un duo. Alors qui s'appellera Pour le meilleur et tout le reste. Non mais ton amie s'appelle comment? Elle s'appelle Christelle. Ok, Christelle. Christelle, je lui fais des bisous. Christelle Gonçalves, parce qu'elle s'est mariée. Oh, elle a pris le nom de son mari. Voilà, elle s'appelle Christelle Garand, ça reste un G. Hein. Et chez nous, les femmes gardent leur nom de fille. Mais tu peux aussi, si je pense. Ouais, mais c'est difficile, il faut aller à la mairie. Ouais, puis, ouais, ouais. Mais et chez nous, c'est comme ça. Je trouve ça normal, enfin, c'est bien. De garder par exemple, moi, il faut garder son nom. Ouais. Moi, je marie, je perds le nom de Maës. Ouais, c'est ça. Maës avec un umlaut sur le E. Ouais. Avec, donc, il y a toute l'origine, il y a l'histoire d'origine flamande et tout. Et je trouve ça dommage. Oui. Tu vois, effectivement. Voilà. Oui. Mais bon, c'est dommage. On est peut-être un peu plus évolué là-dessus au Québec. Oui, oh, bah, vous êtes plein, vous êtes évolué sur plein de choses. Oui, mais des fois, on en perd aussi. Là. Par rapport à nous. Quoi. Mais ça veut dire qu'en 7 ans, il s'est passé plein de choses. Plein de choses. Est-ce que tu as assez de temps pour de trouver de l'espace à travers tout ça, parce que tu travailles chez Disney, mais tu es aussi le côté de comédien. Qu'est-ce que tu fais pour amalgamer tout ça? Tu dois abandonner quelque chose? Tu dois... Ah, parce que... Parce qu'on a juste une vie quand même. Je t'ai pas dit en plus, mon cher Renat, c'est que j'ai en plus une émission de radio web, le mercredi soir, qui s'appelle le Comic Nana Band, et j'ai en plus, je donne des cours d'impro. Voilà! Alors comment tu fais? Bah écoute, j'essaye. Bah écoute, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, donc du coup ça me prend du temps de libre, tu vois. Donc là, cette année, j'ai vraiment tout. Je revois tout pour me donner du temps, m'accorder du temps. Je vais partir en vacances. Hein. Parce que tu peux vite être épuisé de courir. Complètement. C'est bien beau d'être énervé, être stressé, mais. À un moment donné, te lasser, oui, te lasser aussi. Oui. Mais j'étais à la limite du burn-out l'année dernière. Là, je comprends. À la limite, vraiment. Ah, oui. Donc c'est pour ça que les choses à vivre, à mon avis, c'est pas un hasard. Donc j'ai mis un peu d'ordre dans ma vie. Et là, je suis vraiment prête pour une rentrée d'enfer. D'enfer, une belle rentrée, quoi. Est-ce que depuis les 7 ans qu'on s'est rencontrés, tu vis un peu plus confortablement, juste de ton métier de comédienne? Oui, alors, j'arrive à vendre mon spectacle, c'est ça qui est différent. Donc là, j'ai une date, par exemple, que j'ai vendue pour septembre. J'ai joué aussi il n'y a pas longtemps. Le spectacle arrive à se vendre. Mais la différence, surtout, c'est que j'ai pris le taureau par les cornes. Et je me suis dit, ça n'a pas de sens, en fait, de jouer ton one que 3 mois sur l'année parce que tu as le temps, parce que c'est les vacances. Non, il faut vraiment, pour qu'il évolue, il faut que tu t'accordes et tu te dis non, c'est, je fais une programmation régulière. Ça, c'est vraiment la seule solution pour avancer dans le spectacle, c'est de le jouer régulièrement. Ouais. Mais comme tu travailles, tu as un autre boulot. Oui, ouais, mais je m'arrange. Je me suis arrangée avec mes jours de repos, mes jours off, j'organise ça. C'est hyper carré, c'est hyper serré. Mais j'organise, on arrive quand on veut, on peut, quoi. Ouais. Tu vois, c'est ça. Donc voilà ce qui a changé. C'est vraiment que le One a pris une grosse tournure. La saison, moi, je suis assez contente, elle a bien terminé. Mes cours aussi, mes élèves ont fait un spectacle d'élèves la semaine dernière. Alors très très peu, parce que j'ai voulu vraiment un petit cours, ils étaient 5. Des adultes, ouais. Ils étaient 5, mais du coup là ça commence à faire boule de neige. Okay. Et donc l'année prochaine il risque d'avoir plus d'élèves. Tu fais ça bénévolement ou Non, okay. Non, c'est vraiment un cours payant où je m'investis vraiment. Okay. Et puis voilà, on est en pleine phase d'écriture, donc l'été ça sert à ça aussi, tu vois. On se voit aux Abbesses, à Montmartre, un lieu typique à Paris, mais à c'est pour... À travers un rendez-vous de ta part, parce qu'on s'est rencontrés, hein, on s'est cédulé au dernier moment. C'est vrai, ouais, c'est vrai, on s'est calé ça au dernier moment. C'est super. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis, c'est un peu ton QG ici, non? Ouais, pas loin, oui. Ici, il y a le chinois ici, il y a le bourgogne le matin. Donc, d'accord. Plus j'avance dans la journée, plus je m'en vais vers la bouche de métro. C'est vrai, ouais. Alors, j'ai vu que tu avais reçu des artistes, des chanteuses. Oui. Des comédiens aussi. Oui, là, je m'en vais voir Michou après. Ah, super, ouais, Michou. Oui. D'accord. Donc, je vais dans toutes les... Là, j'ai rencontré Cyril Adam, un chanteur exceptionnel. Sinon, puis après ça, on était faire des enregistrements de sa musique. Il nous a chanté 6 chansons sur au petit parc. D'accord. Des amoureux. Ouais. Donc, c'était extraordinaire. Hier, j'ai fait un concert juste ici, en haut de la bouche des Abbesses. Il y avait 6 chanteurs, chanteurs-chanteuses. On a fait 2h30 de spectacle. Oh, génial! Puis c'est diffusé à CKRL. D'accord. Donc, mais toi aussi, t'arrêtes pas. C'est vraiment... Non, j'arrête pas. Mais il n'y a que comme ça que... J'aurai toute l'éternité pour me reposer, je me dis. Oui, c'est vrai que c'est long aussi, hein, l'éternité. Ouais. Là, donc, il faut être dans l'action. Mais est-ce que tu te rends compte que depuis les 7 ans, il y a un public qui te suit? Il y a quelqu'un, il y a des gens qui... Ouais. J'ai, tu sais, je me suis rendu compte, en fait, depuis qu'on s'est vu, c'est que j'ai créé un réseau. Et c'est très important dans le métier, en fait. J'ai un réseau vraiment d'amis. Humoriste, d'amis chanteurs, d'amis artistes. Et donc, du coup, toi, par exemple, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon émission de radio. Au début, le Comique Nanavant, c'était un plateau d'humoristes, 100% femmes, parce que je voulais... Tu sais, les femmes, je trouve qu'elles n'étaient pas assez représentées sur les plateaux d'humour, vraiment. Il y a toujours les mêmes. Ça bouge, hein. Mais en tout cas, il y a les grandes, puis il y a ceux qui gravitent autour. Il y a des gens qui ont tout le temps, Forestier, on la voit tout le temps, Romanoff, on la voit. Donc c'est... En fait, l'univers humoriste fonctionne différemment maintenant. Tu n'as plus vraiment de... Si tu veux, en production, tu as des écuries maintenant. Tu vois, Olympia Prod, Dumontel, Dumontel. Donc du coup, voilà, c'est des gros producteurs qui prennent plusieurs artistes sous leur aile. Ils ont une écurie, tu vois. Et en fait, donc ça va être complètement différent d'avoir un artiste que tu mets en avant, comme ça a pu être avec les Foresti, comme ça a pu être avec les Roumanoff, ça c'est encore plus ancien. Mais quand tu regardes laquelle est sortie vraiment à exploser récemment, bah c'est difficile à dire en fait. T'as un petit peu de tout, t'as des Claudia Pagbo, t'as des... C'est toujours les mêmes, on peut le dire. T'as des Aurélie... T'as plein de petits noms, mais qui ont vraiment, vraiment explosé. C'est pas comme avant. Oui, mais ça sera toujours comme ça, je pense. C'est les mêmes, le même réseau, les mêmes que tu vois chez Arthur, les mêmes que tu vois dans telle émission, que tu vois aux Grosses Têtes, que tu vois ici, que tu vois au Jamel Comedy Club. Voilà, mais ça, c'est normal, ça fonctionne par famille. Donc, du coup, moi, je pense qu'en 7 ans, ce qui a changé, c'est que j'ai une famille d'humoristes. J'ai des... Ouais. J'ai un réseau. Du coup, c'est des gens que j'invite à mon émission, que je fais connaître. C'est à quel endroit? C'est un studio ou si c'est chez toi? C'est à Montparnasse. OK, oui. À Montparnasse, ça s'appelle Dynamique Radio, en fait. C'est pas moi qui ai créé cette radio. Hein. J'ai juste profité d'une grille d'été, puis après, on a été prolongé. Et donc, du coup, ça me plaît énormément. Je me suis vraiment découvert une fibre, là, une passion. Et les artistes, les musiciens, est-ce qu'ils chantent en direct? Alors, j'ai dû recevoir 3 musiciens. On a commencé la saison avec une musicienne, d'ailleurs, okay. Mai Tasson, qui est juste magnifique, qui a une voix, qui a un esprit, qui est vraiment génial. On a commencé avec elle, la saison. On a eu une autre chanteuse vraiment typiquement parisienne qui s'appelle Terre Brune. Qui est-ce qu'on a eu d'autre? Mais est-ce qu'ils chantent en direct? Oui. Okay. Ouais, nous, ils ont eu vraiment l'honneur de nous faire 2-3 sons. Guitare-voix, ouais. Ça, c'était génial. Après, les humoristes, c'est un peu compliqué de leur faire un sketch en direct. Ouais. Donc, du coup, je vais passer des extraits de sketch, tu vois, pour quand même donner une idée. Un peu comme Rire et Chanson, la radio. Exactement. Okay. Exactement, ouais. Sauf qu'à Rire et Chanson, juste, si je pouvais leur donner un conseil, c'est de renouveler un peu leur playlist. Ah, c'est toujours la même chose. Non, c'est ancien, en plus. Puis même la musique, c'est... C'est ancien, ah, quoi, oui, tu oui, vois, oui. C'est ah, ça. Oui. Destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. found an island in your arms, country in your eyes. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Dany. Du coup, voilà, il y aurait peut-être un coup de poussière à passer. Mais voilà, c'était vraiment le plaisir de faire découvrir. Et moi-même, des artistes que je n'avais pas eu la chance de connaître. Et du coup, qui m'ont fait confiance, qui sont venus. Je pense à des Jérémy Crédville qui sont vraiment en train de percer en ce moment. Je pense à des... Aurélia de Redinger, qui vraiment, elle aussi, elle est avancée dans sa carrière. J'ai contacté sur Messenger, du coup elle m'a vraiment fait confiance, on a passé une super émission. Tristan Lopin qui est en train de cartonner sur le net, qui était sur le canapé de Michel Drucker il n'y a pas si longtemps. Ah c'est pas mal. Ouais, qui a aussi participé à l'émission d'Arthur. Donc vraiment tu vois si tu veux, moi j'aime voir cette émission comme des artistes qui sont vraiment en train de percer. Et on les catch juste avant, tu vois, de qu'ils soient trop inabordables. Aimerais-tu toi aussi, à un moment donné, passer dans ces radios-là, ah ouais. Arthur et... Ah oui, oui, oui, je alors pense que c'est... comment tu fais pour pouvoir te montrer? Moi, c'est pas que j'ai pas envie de rentrer dans ces créneaux-là, mais je pars du principe que je m'éclate avant tout. Après, si un jour, dans ma salle, j'ai une prod, j'ai quelqu'un qui me remarque, etc., super, tu vois, génial. Mais tu cours pas après ça. Je cours pas après ça, mais j'ai jamais attendu en fait qu'on m'offre du boulot. J'ai toujours créé, tu vois, j'ai créé mon plateau d'humour, j'ai créé mon one, j'ai créé mon émission, j'ai créé ma pièce. Je suis en train de créer une autre pièce, j'ai créé ma troupe d'impro. Oui, oui, bien sûr, ouais. Donc du coup, tu vois, je suis vraiment plus dans l'esprit de me dire de créer ton boulot. Alors c'est des pièces, si tu joues dedans, que tu dois réapprendre à chaque fois. Parce que si tu en fais des représentations dans une année, 25 représentations d'une pièce et 25 de l'autre, tu dois te remettre en bouche les pièces que tu as écrites. Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est difficile? As-tu beaucoup de mémoire? Ah ben, la mémoire, ça se travaille, il faut avoir confiance en elle, et puis c'est à force de faire. Et tu sais, l'impro c'est à la fois bien et c'est pas bien pour ça, parce que t'es tellement à l'aise avec le fait de créer, avec ce qui se passe sur le moment, que du coup ça devient de plus en plus contraignant après d'apprendre un texte. Oui, parce que tu te dis, mais même si je me souviens plus du mot, je vais me lancer dans autre chose. Mais tu sais, en plus, alors, ça c'est le côté un peu pénible, pour tomber sur, pour apprendre, etc. Mais le côté bien avec l'impro, c'est que une fois que tu l'as en bouche, ton texte, une fois que tu le maîtrises, mais tu as une liberté, après, il se passe un truc en salle, tu joues ça, avec. Et tu reviens au texte après. Et tu reviens au texte, et tu peux rajouter des choses, parce que dans le moment, tu te sens dire ça. Et voilà, donc ça t'apporte. Moi, je dis franchement que tous les vrais artistes peuvent pas faire l'économie de passer par l'impro. C'est vraiment ça. C'est un passage obligé. Ah ouais, franchement. Franchement. Est-ce que ça t'a apporté, sans doute que oui, la réponse, est-ce que ça t'a apporté beaucoup dans ta vie privée ou dans ta vie quotidienne, l'improvisation? Ça t'apporte le lâcher prise, de te dire, quoi qu'il se passe ou qu'il se passe ou qu'il ne se passe pas, vis avec le monde présent, rebondis, il y a toujours un truc, une micro de chose. Tu parlais de la mouche, oui. Il y a toujours une micro chose sur laquelle oui. Tu dois t'appuyer. Et qui te fait partir. Et qui te fait partir. Donc c'est la vivacité d'esprit aussi. Ben oui. Et dans la vie, tu peux l'utiliser à n'importe quel escient. C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Donc du coup, c'est ce que je dis, moi l'impro, ça peut t'aider dans n'importe quel, oui. Même dans le milieu professionnel. Donc c'est pour ça, peut-être que aussi mon avenir, c'est peut-être aussi créer une boîte de coaching, tu vois, pour s'adresser justement aux entreprises, pour proposer un module justement. Ça fait du bien aussi aux entreprises. De com, oui, bien sûr. Ça les fait se voir autrement qu'au travail, c'est ça l'intérêt. Exactement. Je pense qu'on est dans une ère où on ne peut plus imaginer comme nos parents, où tu rentres dans une boîte, dans une activité, où tu dis je suis parti pour 40 ans. Oui. C'est juste pas possible. Et à 65, je me retire et je m'en vais dans mon... Tu feras 4-5 métiers, ouais, tu vois. Ah, ouais. Donc là, une chance, pourtant on dit mais arrête Disney, mets-toi à 100% dans le spectacle. Mais le statut d'intermittent du spectacle, qui est vraiment, on va dire, c'est un peu une oasis ici. Il n'y a pratiquement qu'en France qu'on a ce statut-là. Ça m'intéresse pas. Les branches, que ça risque de partir. Ah, mais c'est toujours en danger, bien sûr. C'est toujours en danger. Mais ça ne m'a jamais correspondu, en fait, parce que d'aller courir après les heures, même faire des choses qui ne t'intéressent pas, la figuration, parce qu'il faut des cachets, faut des heures, courir après les compagnies. Toi, tu préfères faire, mettre au monde. Ouais. Et t'impliquer dans tes heures. Exactement, et voilà, être complètement libre. Je suis tellement... C'est pas que je suis pénible, mais c'est tellement dur de me canaliser ou de me forcer à faire des trucs que du coup, je me vois pas, ouais, je me vois pas intermittent. Aller faire tes démarches administratives, aller pleurer auprès de Pôle emploi... Non, ça je veux pas. Ma meilleure amie dont je parlais pour la pièce, justement, elle est dans cette galère-là et... Qu'est-ce que tu dis si on te prend à boire? Oui, mais je ne sais pas pourquoi on nous a... Ouais, je ne sais pas. Est-ce que des thèmes que tu reprends souvent dans tes sketchs? Ah! Écoute, il y a un sketch, je lutte pour le garder, parce qu'il y a plein de gens qui me disent non, vraiment celui-là, il me gêne, ou ouais, celui-là, c'est limite. J'ai un personnage d'une infanticide, en fait, d'une mère. Parce qu'il y a eu toute cette période-là où on parlait, mais c'était pratiquement tous les mois où tu avais, peut-être qu'à Québec, il n'y a jamais eu ces problèmes-là. Oh, oui, mais voilà, tu sais pas, ces espèces de folles qui, on arrive à un tel ras-le-bol, puis tu retrouves un, deux bébés congelés, leur enfant, dans leur congélateur. Mais comment c'est possible de ça? comment c'est. Et moi, cette folie-là, elle me. Elle t'alimente. Elle m'alimente, elle m'attire en même temps, elle m'effraie, mais c'est toi, ce côté borderline, quoi, ce côté vraiment à la limite. Je crois qu'on l'a tous. Il y a un moment. Ça permet à tout le monde. Il y a un moment où on peut être capable de tomber dans la folie. Et moi, ça me fascine. Ça, j'adore ça. Tu vois, bah, ce sketch avec mon père qui, à un moment, ne peut pas faire les choses raisonnables. Comment tu l'abordes, ce sujet-là? Bah, en fait, je finis, c'est tout dernier. Donc, ça passe après, justement, le sketch de l'infanticide que j'ai appelé « Ça jette un froid », en fait. Donc, je finis après « Ça jette un froid », voilà. En fait, je finis ce sketch-là en disant en public, je sais que là, ça vous a gelé, quoi. Enfin, un sketch comme ça, je ne peux pas vous laisser partir sur cette image-là. Moi, j'aime bien laisser partir avec des bons conseils que je donne à mon public. Et donc, le conseil que je vais vous donner ce soir, c'est ne laissez jamais, si vous aimez quelqu'un de votre entourage, ne le laissez jamais, jamais s'inscrire dans un club de danse western country. Okay, et là, c'est là ton personnage. Je connais. Et tu vas chercher ton chapeau et tu... Ah oui, il y a un moment où je rentre dans le personnage de mon père. Où il ne peut pas s'empêcher, malgré qu'on est dans une banque, il lance son cri de cow-boy. Yee-haw! Howdy, la compagnie! Ouais! Voilà, ce genre de choses. Je dis, arrête, papa, on est dans une banque! Et voilà, donc on rentre petit à petit dans cet univers. Puis ça arrive jusqu'à vraiment la chorégraphie country, je finis comme ça. Et où j'essaye de le raisonner en disant, mais papa, la vie, c'est pas la country, quoi. T'as regardé le journal télévisé récemment, le monde va mal. Voilà, il y a des inondations, il y a la guerre. Alors arrête avec tes yee-haw tout le temps, c'est pénible. Et là, il y a une conclusion après, etc., à la fin du spectacle. Donc j'aime bien ces univers où t'es à la limite, la limite de la folie, quoi. Et ça, c'est ce qui t'inspire depuis quelque temps. Ouais. À quel moment on chavire pour devenir peut-être un assassin ou un... Parce que le monde est fait de ça. Quoi. Mm. Le monde est fait de ça. On est assis auprès de là, 2, 4, 6, 8, peut-être une douzaine de personnes. On ne sait pas qui sont les gens vraiment. Ouais, hein. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et là, peut-être que ça fait 3 semaines qu'ils ont mal dormi. Puis ça peut être... Mais c'est vrai, on ne sait pas. Ils entendent des voix, puis c'est maintenant, là, ouais. C'est maintenant le moment, et vas-y, puis arrive à son tour. Exact. Ce moment où t'en peux plus, c'est juste l'overdose, quoi, ouais. Tu vois. Ouais. Donc voilà, où toutes les choses que tu as peut-être eues pendant ton enfance. Donc voilà, il y a des choses que j'aime bien comme ça retranscrire en forme d'humour. Parce que justement, je vais tellement loin que cette nana-là qui est interviewée, en fait, cet infanticide, qui est interviewé pour une émission Zone Interdite, je ne sais pas si vous l'avez à Québec. Donc c'est une émission qui a 30 ans, 25-30 ans d'existence, et vraiment qui aborde tous les thèmes. Ah, c'est comme aussi l'émission, je ne sais pas si c'est sûr, Temps Présent. Ah, je ne connais pas par contre, ça je ne connais pas du tout. Keep on keeping on. Vous avez la télévision suisse aussi? Ben, en fait, c'est la télévision française, mais à travers ça, c'est la francophonie. Donc, il y a des émissions de la Suisse, de la Belgique, de la France. Puis, temps présent, c'est très bon. Mais moi, je ne l'écoute plus parce que ça plombe. C'est épouvantable. Ouais, à un moment donné, ouais. Il y avait une dame qui s'est présentée en Suisse pour mourir, parce que c'était l'endroit à l'époque où on pouvait mourir dignement. L'euthanasie qui était acceptée. Oui, ouais. Et puis, donc, tu payes. Et puis, tu loues une chambre. Et puis, la dame arrive avec. Elle s'en va chaque jour chercher le petit flacon. Et la dame va mourir sous nos yeux, sous les yeux de la caméra. Ah, bonjour, je vais arrêter parce que c'est des semaines à. Non, il faut se protéger aussi, à moi. Ah, oui, mais temps présent, ça plombe trop aussi. Il n'y a pas rien pour nous faire respirer. C'est dur. La prostitution des filles qui viennent ici. Alors, zone interdite, c'est construit complètement différemment. C'est-à-dire, on va te montrer le bon côté des choses à un moment. Tu vois, par exemple. Qui sont ces nouveaux milliardaires qui achètent des îles, qui valent, etc. Et puis donc du coup, ça te montre, ou alors, je sais pas, Cuba, le nouvel Eldorado, en train de se libérer, l'après... Et toi, tu l'écoutes? En fait, c'est construit comme ça que tu regardes, et en fait, ils vont te... Mais c'est aussi maintenant devenu le lieu de la drogue, la prostitution, un paradis pas si paradisiaque, tu vois. Donc du coup, ça te fait de la pub au départ, c'est sympa. C'est un faux bonbon. Puis après, voilà, exactement. Donc du coup, tu te dis à la fin, mais en fait, il faut se méfier de tout. Oui, c'est ça. Le gars à côté est un tueur en série, l'autre à côté, c'est fou, là. On crée la paranoïa. On l'a créé. Et puis, l'humour qui se développe encore beaucoup, c'est le stand-up. Ouais. Donc j'aime bien dire que j'ai du sketch, en fait, je fais du sketch-up. Sketch-up. Ouais, c'est un petit peu du sketch et que j'illustre des fois, un peu de stand-up que j'utilise avec des sketchs, tu vois. Sketch-up. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. J'ai aussi un sketch sur le permis de conduire. Ok. As-tu un permis de conduire? Ouais, okay. Qui est très fragile en France, hein, parce qu'on est quand même le seul pays au monde qui t'autorise un certain nombre de fraudes, en fait. T'as 12 points. Ben, nous aussi, ça, c'est des points de démérite. Ben chez nous aussi, on... Ah ouais? Ah oui, ben oui, les points de démérite, ben oui. Et donc, tu, au bout de tant de démérite, tu n'as plus de permis? Ben, tu vas payer parce que tu as eu des contraventions, tu vas payer tes contraventions. Si tu as passé sur une lumière rouge, c'est 3 points de démérite. Donc, au bout du compte, si tu es un mauvais chauffeur, il faut enlever le permis. Ah, ben oui, comme nous. Ben voyons, ben oui. Excusez-nous, est-ce qu'on pourrait avoir à boire? Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est pas dû comme vous recevez. D'accord, madame. OK. Donc, mais je crois que c'est partout. Non, en Europe, de connaissance, on est vraiment les seuls à avoir ce genre de choses. En tout cas, au Québec, c'est pas grave. Non. Ah, mais vous êtes mis sur une table sale? Oui, tout à fait. Et du coup, nous, c'est difficile pour nous de savoir si c'est à vous. Exactement. Il n'y a pas de problème. Voilà, je suis désolée. On est non-fumeurs tous les deux. C'est bien. Oh, peut-être que tu fumes, Romain. Non, j'ai pas tous les défauts. Donc, du coup. J'en ai d'autres, mais pas celui-là. Voilà. Donc, du coup, le permis de conduire. Pourquoi le tien est limite, là? Ah, mais non, mais moi, je suis toujours borderline, je suis toujours à la limite. Pourquoi? C'est-à-dire. Parce que c'est toujours des petits excès de 2-3 km/h. Mais voilà, tu perds un point, tu payes. Et. J'en suis arrivée à avoir très peu de points, du coup. Et puis, mais ça, c'est pour une année. Après ça, ça s'efface. Ouais, moi, j'aurais bien, par exemple, une grenadine. Grenadine, allez, ouais. Moi, je vais prendre un Coca-Cola. C'est classique. Donc, du coup... Après une année, ça s'efface, ça, là. Oui, mais encore faut-il ne pas avoir d'amende entre les deux. Mais ça va très, très vite. Donc, ouais. Du coup, voilà, okay. J'en étais arrivée alors, à avoir... Alors, t'es critique. Oui, exactement. Okay. Et j'en étais arrivée à avoir 4-5 points. Donc, oui, il serait peut-être temps quand même, je suis à la limite. Je vais repasser un stage de récupération. Okay. Donc, et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, parce que ces deux stages, deux jours que tu passes, c'est assez spécial. Parce que tu pensais savoir bien conduire, mais au contraire... Tu te sens vraiment, en fait, tu te sens comme un gamin, quoi, tu vois, qui est réprimandé, et tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas conscience, qui viennent juste, en fait, pour récupérer des points, mais ça ne changera rien dans leur attitude de conduite, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Et qui disent, pour eux, c'est toujours les autres qui sont en danger, mais eux, ils ne le sont pas. Ouais. Donc, du coup, tout ça, ça m'a donné envie. de créer un sketch donc là-dessus pour en fait repasser le permis de conduire, mais d'une autre façon. Donc du coup, voilà, je fais repasser le permis de conduire aux gens, à l'audience en fait. Et donc voilà, avec des questions complètement débiles, complètement rigolotes. Donc ça, j'adore ce passage-là. Ça y était pas aussi il y a 7 ans. Merci beaucoup. Ça y était pas il y a 7 ans, là, tu vois aussi. Et ça, c'est parce que c'est du vécu aussi. Là. Ouais. Et comment tu fais pour... Ben, les gens doivent quand même bien fonctionner parce que tout le monde a un permis de conduire ou presque. Tout le monde est borderline concernant... Exactement. Mais je commence toujours ce sketch en disant... Est-ce qu'il y a des gens qui ont 12 points sur leur permis? Et tu as toujours les premiers de la classe, tu sais, qui le... Ben, je vous remercie, grâce à vous, je me sens vraiment comme une grosse merde, en fait. Hein? Donc, etc. Ça, voilà, c'est un sujet que j'ai eu envie d'aborder. Là, maintenant, je vais profiter de l'été aussi pour écrire ou penser. Est-ce que tu écris lentement ou rapidement? Écoute, franchement, je suis une laborieuse, moi, quand même. C'est-à-dire que faut que je m'y mette, une fois que je m'y mets, ouais. Mais faut que je trouve l'angle, en fait. Okay. C'est vraiment l'angle d'attaque qui est hyper important. Ouais, tu vas dire les choses, mais qu'est-ce qui va être intéressant dans ta façon de le dire? Est-ce que tu peux apporter du nouveau aussi? Exactement, à la tienne. Ah ben, oh, excuse-moi, j'ai... Non, il n'y a pas tout dit. Il fait tellement chaud. À la nôtre. Ah, mais c'est moins chaud qu'avant. On est bien. Ça, c'est les terrasses parisiennes, tu vois. Oui, c'est merveilleux. Est-ce que tu te considères comme féministe? Écoute, je pense qu'il y a... Il y a nécessité de l'être, dans le sens où c'est très très fragile, tu vois. On a l'impression, et je discutais justement avec des jeunes, et qui ont vraiment l'impression que c'est acquis une fois pour toutes, ouais. Je leur dis, oulala, ça va très très vite. Là, Simone Veil et son mari sont rentrés au Panthéon, samedi dernier. Oui. Elle est décédée, Simone Veil, il y a quelques mois, et franchement... Oh. Il y a quelques mois. Si. Une année. Ça fait déjà une année? Oui. Mon Dieu, que ça va vite. Oui, parce que quand j'étais... T'es sûr? Oui, l'année dernière, elle venait de mourir. Mon Dieu, que ça va vite. Oui, oui, enfin voilà, quelques mois, une année, ouais. Mais voilà, par exemple, je me dis, mais tu sais, j'ai fait un post le jour de sa disparition. J'ai mis une photo de Nabila et une photo de Simone Veil. Et je me dis... Ce sont des femmes toutes les deux, mais quelle image de la femme elles donnent chacune, tu vois. Et je pense que voilà, on n'est pas du tout sur le même type d'image de femme. Non. Et moi, j'ai plus envie de m'inspirer d'une que d'autre. Okay. Et vraiment, vraiment. Et il y a toujours des choses à dire sur quel rôle on a loué à la femme, sur quels sont les dangers. Il y a encore des pays, il y en a moult pays où c'est encore des esclaves, des moins que rien, des rétrogrades, des... Pourquoi il y a une vidéo que j'avais vue sur YouTube qui m'avait énormément émue. Je crois que ça venait du Danemark. Et en gros, ça disait, c'était un homme qui prenait son bébé, qui était une petite fille dans ses bras, et elle lui parlait en fait. Elle disait, tu sais papa, parce que je suis née fille, parce que je suis née une femme, il y a ça qui m'arrive. À 16 ans, je risque de ça. À 20 ans, je risque de faire tout ça parce que je suis née femme. Voilà, donc ça, en fait, ça... Donc du coup, voilà, protège-moi. T'es mon père, protège-moi parce que du coup, risque de m'arriver ça. Et ça fait réfléchir, ouais, il n'y a rien d'acquis du tout. Surtout à l'heure où la mondialisation, où ça voyage dans le monde, où il y a de la migration, il y a de l'immigration, il y a des populations qui bougent, il y a des cultures qui se véhiculent. C'est très très important. Moi, je me sens hyper concernée par ça. Très très concernée. On est en pleine période de mutation. Et là, en Europe, c'est hallucinant. Hallucinant. Je pense que d'année en année, tu le vois bouger, ça. En venant justement, en t'absentant un an de France, de Paris, tu le vois au fur et à mesure évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui me concerne énormément. Moi, j'ai envie de me dire, qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Être française, être femme française. Et femme française aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Quel est l'acquis? Quel est le non-acquis? Qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire pour défricher encore en 2018? Exactement. Tout à fait. Donc par contre, je ne veux pas du tout tomber dans l'extrême Là, le féminisme à l'extrême, ça me saoule à un point. Bless you please, Mrs. Robinson. Yeah. debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, George DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.